jette comme une cigarette. Elle me sourit après son whisky. C'est comme ça tous les soirs, je n'ai plus d'espoir. Elle va se droguer, posée dans le canapé. Elle fume, elle boit, elle se noie. Je n'ai plus de force pour qu'elle divorce. Elle fume, elle boit et ça se voit. Je ne sais plus quoi faire pour la distraire. Elle fume, elle boit, c'est sa loi. J'aimerais la sortir, qu'elle arrête son délire. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle me descend tout le temps, elle me caresse pendant son stress. C'est comme ça tous les matins, moi je n'y peux rien. Elle va se droguer devant la télé. Elle fume, elle boit, c'est son choix. Je reste impuissant comme un enfant. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit. Elle boit gavée comme une oie, elle va crever dans son canapé. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, elle fume, elle boit. Elle fume, elle boit, c'est son droit. Je vais l'enterrer.